vacances, batuna kabango, boni mwana wana aya kaka te. Jura proclamation à Kinshasa, jura proclamation à Sefa, à Mokili Baninga, Motolimana, Rosali Papa Sage Toyokana, à Mosale Ayakana Kinyo, à Koukana Kana Kokonanga Yoyo, Koukona Kema. Nakoyana kinye jurangoe, nakonanga ezanangoe, banyole nanga ezanangoe, kamwa esika ekoti sakambanga, ezanga te, ezanga te, ezanga te. Kokata sefa jour après, nakolata nangai ensemble apuranta. Bien signé Rocomantino, Oya Serutie Grifangoe, Ja Franco Ferre Grifangoe, Ja Marco Venturi Grifangoe, Henri Coco Ferrier Grifangoe, Marie de François Girbeau Grifangoe. Manga Grifangoe, j'ai mis à boulevard Grifangoe. Oya Germain Papa Fioti, Jimé Westone, Jimé Westone. Oya Lario Serivala Westone, Tankale, Tanyere, Atanele, Nicarango, Nakoya Nakinyo. Bansele yango tura tura, lubwa kubaninga tura tura. Aba tente leli leli, naba suiviste leli leli. Mule mule ngana leli o, se fose nyako se papa na janyo. Koko waya wapi sengore, kula mambo grand prêtre diorae. L'enfant mystère est moi na Paris. Yimicho, moi na Genève. Modoboja Franco Ferre, moi na Paris. Henri Papa, Henri Coco Verrier. Petit Modero, la Firenze. Zen Zebro, Gabin Armani. Sissi Selenge, petit à confiance. Manaja Ege, Balingi Alire. Charlie Mboyo, moi na Bruxelles, Ize Ize, moi na Paris, Tankale, Tanyere, Atanele, Itarango, Nakoya na Kinyo. akue zela di malela Amazone papa wemba mere mase onzela koko waya yo emedie di dosenga mere malue mere premiere wo alenele kia delina tankale tanyere atanele utarambo na koyana ginyo ko na koyana ginyo ko